chez lui. Andy a toujours évité les ennuis. Andy se hâte, se méfie. Rita Mitsuko avec le titre Andy sur RGM, un peu plus de 8h37, on parle anniversaire, ils sont nés un 18 octobre 1938, naissance de Guy Roux, entraîneur de foot français, célèbre entraîneur de l'équipe d'Auxerre de 1961 à 2005, club avec lequel il a remporté un titre de champion de France en 1996 et 4 victoires en Coupe de France, et il est sorti de sa retraite quelques mois en 2007 pour entraîner l'équipe de Lens. 1946, naissance d'Howard Shore, compositeur canadien, célèbre pour ses musiques de films sur la trilogie du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, cela lui a valu l'Oscar de la meilleure musique de film pour le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, et également pour le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Musique également de la trilogie du Hobbit. On lui doit également Le Silence des Agneaux, Madame Doubtfire, Philadelphia, Le Client, Ed Wood, Panic Room, Gangs of New York, Aviator, Les Infiltrés, Twilight chapitre 3, ou encore Le Loup de Wall Street. Et nous, on va se plonger un petit peu dans l'univers du Seigneur des Anneaux, dont on écoute tout de suite donc un petit extrait de la musique composée par Howard Shore. Voilà pour le Seigneur des Anneaux. Allez, on continue les anniversaires. 1947, naissance de Joe Morton Jr., acteur américain, vu dans Terminator 2, Speed 1 et 2 dans le rôle du capitaine McMahon, Blues Brothers 2000, Ali dans le rôle de Chauncey Eskridge, Paycheck, Batman vs Superman, l'aube de la justice et Justice League dans le rôle de Silas Stone, quelques épisodes de la série Smallville dans le rôle du docteur Stephen Hamilton, Doctor House, Les Experts Manhattan, Eureka, Numbers, Brothers and Sisters, FBI porté FBI duo très spécial, c'est mieux, ou encore Scandale dans le rôle de Juan Pop. 1954, naissance d'Arliss Howard, acteur américain, vu dans Full Metal Jacket dans le rôle du soldat cowboy, ou encore Le Monde Perdu de Jurassic Park dans le rôle de Peter Ludlow. 1956, naissance d'Isabelle Autissier, navigatrice française qui fut la première femme à avoir accompli un tour du monde en compétition, c'était en 1991. C'est également l'année de naissance de Martina Navratilova, ancienne joueuse de tennis américaine. américaine qui a fait carrière de 1973 à 2006 en simple. Elle a été numéro 1 mondial. C'était en 1978. Elle a gagné 9 fois Wimbledon, 4 fois l'US Open, 3 fois l'Open d'Australie et 2 fois Roland-Garros. En double, elle a également été numéro 1 mondial. C'était en 1984. Elle a gagné 9 fois l'US Open, 8 l'Open d'Australie, 7 Roland-Garros et Wimbledon également. En double mixte, elle avait remporté 4 Wimbledon, 3 US Open de Roland-Garros et 1 Open d'Australie. Et elle compte à son actif également 4 Fed Cup, remportés en 1975, 82, 86 et enfin 89. 1957, naissance de Catherine Ringer, chanteuse française, membre du groupe d'Erita Mitsuko. 1959, naissance de Bruno Locher, acteur français, vu dans Les Trois Frères, Beaumarchais, L'Insolent, Un homme et son chien, Potiche, Rien à déclarer, Nos plus belles vacances, Star 80, Star 80 la suite, Super Chondriac ou encore Les vacances du petit Nicolas. 1960, naissance de Jean-Claude Van Damme, acteur belge, vu dans Kickboxer 1 et 2, Full Contact, Time Cop, Narco, JCVD, Expendables 2, Unité spéciale dans le rôle de Jean Vilain et plus récemment dans le film Lucas dans le rôle de Lucas. 1966, naissance de Guillaume de Tonquédec, acteur français vu dans Le Prénom dans le rôle de Claude Gatignol, Barbecue, Coexister, à la télé dans Commissaire Cordier, Fais pas ci, fais pas ça dans le rôle de René Lepic, Camping Paradis ou encore Profilage. 1969, naissance de Pascal Suttens, éducateur sportif, présentateur de l'émission SOS Ma Famille a besoin d'aide. 1982, naissance de Thierry Amiel, chanteur français découvert dans l'émission à la recherche de la nouvelle star. Et après donc cette émission, il avait notamment repris le titre Les mots bleus, dont on va écouter tout de suite un petit extrait. Il est 6h au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisent, une fille va sortir de la. Voilà pour Thierry Amiel. On continue les anniversaires, mais on va rester en 1982 puisque c'est également l'année de naissance de Ne-Yo, chanteur américain. 1983, naissance d'Emily Gomis, basketteuse française professionnelle depuis 2001, qui évolue au club de BC Choré en pré-national depuis cette année. Et avec l'équipe de France, elle est médaillée d'argent au JO de 2012, médaillée d'or au championnat d'Europe 2009, médaillée d'argent au championnat d'Europe 2013 et médaillée de bronze au championnat d'Europe 2011. 1984, naissance de Lindsey Vonn, skieuse américaine qui aux Jeux Olympiques compte une médaille d'or et 2 de bronze. Et au championnat du monde, 2 médailles d'or, 3 d'argent et 2 de bronze. 1987, naissance de Zac Efron, acteur chanteur américain, découvert dans High School Musical 1, 2 et 3 dans le rôle de Troy Bolton. Vu également dans 17 ans encore dans le rôle de Mike O'Donnell, Happy New Year, Nos pires voisins 1 et 2 dans le rôle de Teddy Sanders. Baywatch, alerte à Malibu dans le rôle de Matt Brody, à la télé dans Summerland dans le rôle de Cameron Bale, vu également dans Les Experts Miami. On va écouter tout de suite un extrait du titre Start of Something New de High School Musical, chanson sur laquelle il chante en duo avec Vanessa Hudgens. Living in my own world, didn't understand that anything can happen when you take a chance. Something has changed. Never felt this way. Et voilà pour l'extrait hein, du titre, donc Dice School Musical 1988, naissance de Wilfried Mwambe, footballeur français professionnel depuis 2007, qui a évolué à Bordeaux, Reims, Ajaccio, Tours, au Stade Bressois, Nantes, à Oldham Athletic, et depuis cette saison, il joue à Nancy. 1991, naissance de Tyler Posey, acteur américain vu dans Coup de foudre à Manhattan, Scary Movie 5, la série Smallville, Brothers and Sisters, Teen Wolf dans le rôle de Scott McCall. Depuis 2017, il joue dans la série Jane the Virgin dans le rôle d'Adam Alvaro. C'est également l'année de naissance de Toby Regbo, acteur britannique, vu dans Harry Potter et les Reliques de la Mort dans le rôle d'Albus Dumbledore jeune, ou encore la série télé Rain dans le rôle de François II de France. En 1931, décédé Thomas Edison, célèbre inventeur industriel américain, pionnier de l'électricité, également l'un des inventeurs du cinéma et de l'enregistrement du son. En 2003, décédé Giovanni Ubaldo Panzani, industriel français, fondateur de l'entreprise de célèbres pâtes alimentaires à laquelle il a donné son nom. Et en 2008, décédée Didi Warwick, chanteuse américaine. Dont on écoutera une chanson en fin d'émission, mais là on va écouter Neyo avec le titre So Sick. Sur le 107 FM, un peu plus de 8h50, on fait un point météo. La météo. Après dissipation du brouillard par endroit, on va passer une belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 6 et 7 degrés ce matin, entre 20 et 22 degrés cet après-midi. Pour vendredi, du soleil également, des températures comprises entre 8 et 9 degrés ce matin, entre 19 et 21 degrés pour cet après-midi. Samedi, ce sera encore une belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin et entre 19 et 20 degrés prévus pour samedi après-midi. Voilà pour la météo. Et maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le tennis à Moscou, la qualification de Manarino en 2-7 face à Cecchinato, 6-2, 6-3. Herbert s'est qualifié en 2-7 face à Bublik, 6-3, 6-4. En revanche, élimination de Benoît Paire en 2-7 face à Gerasimov, 6-4, 6-4. Aujourd'hui, Herbert affrontera Seppi. Côté féminin, l'élimination de Cornet en 3-7 face à Gazatkina, 3-6, 7-5, 6-4. Et l'élimination de Blanedovic en 2-7 face à Kontaveit, 6-2, 7-6. À Anvers, qualification de Gilles Simon en 2-7 face à McDonald, 6-1, 6-1. Qualification de Gasquet en 3-7 face à Vézeli, 6-3, 4-6, 6-3. Aujourd'hui, un duel franco-français entre Gaël Monfils et Joe Wilfried Tsonga. Au tournoi du Luxembourg, plus de Françaises en compétition après l'élimination de Pauline Parmentier en 2-7 face à Lapko, 7-5, 6-2 et l'élimination de Ferro en 3-7 face à Vekic, 2-6, 6-1, 7-5. Un mot de basket avec un point NBA. C'est plutôt bien passé pour nos joueurs tricolores. Alors pour cette reprise, l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier s'est imposée face à Miami 104 à 101, 13 points pour le français. L'Utah Jazz de Rudy Gobert s'est imposé à Sacramento 117 à 123, 19 points pour le français. L'équipe de New York de Tilikina s'est imposée face à Atlanta 126 à 107, 5 points pour le français. L'équipe de Phoenix du tout jeune Okobo avec 2 points s'est imposée face à Dallas 121 à 100. La seule défaite est pour l'équipe de Charlotte de Nicolas Batum et de Tony Parker face à Milwaukee d'un petit point, 112 à 113. 8 points pour Tony Parker et 5 points pour Nicolas Batum. Un mot de football avec la Ligue des Champions féminines. L'équipe du PSG s'est imposée 2 buts à 0 à Linköping et l'Olympique Lyonnais s'est imposé 4 buts à 0 à l'Ajax. On connaît l'affiche des 6e tours de Coupe de France pour les clubs vosgiens. Thaon-les-Vosges se déplace sera à Fessenheim. Vanier recevra le club d'Ilkirch. Rennes-l'Étape se déplacera à Wettbruck. Saint-Dié recevra le club de Chapelle-Saint-Luc. Et Épinal se déplacera à Villers-les-Nancy. Et on termine avec du cyclisme et le Tour de France. Et oui, on en entend déjà parler. Et depuis hier, ça circule sur les réseaux sociaux où on apprend que Saint-Dié pourrait bel et bien être ville départ lors du Tour de France 2019. Information à confirmer le 25 octobre prochain quand le parcours 2019 sera dévoilé. Et si c'est le cas, eh bien ce sera une première pour la ville vosgienne. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause avec Didi Warwick et le titre Suspicious Minds. See you.